à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, c'est le magazine santé, mensuel bien sûr, avec mon partenaire Jean. Bonjour à tous. Partenaire de la radio depuis déjà maintenant plusieurs mois, ce qui te plut. Oui. Et puis comme invité, Jérôme Tisserand, encore un autre Tisserand. Vous n'échapperez pas au Tisserand. Docteur Tisserand, voilà. Vous n'échapperez pas au Tisserand aujourd'hui. Alors, voilà. Alors Jérôme donc est médecin aux urgences. Responsable du service ? Non, c'est le médecin. Non, c'est pas toi qui es le responsable. Chef de service, oui. Voilà, un chef de service. Alors, bien sûr, dans ce magazine santé, on va parler des urgences. Urgences qui sont en grève. Grève assignée, oui. Grève assignée, puisque de toute façon, vous pouvez difficilement faire grève aux urgences. Donc, mais enfin, tu te déclares gréviste depuis 6 mois. 6 mois, exactement, depuis le 11 juin 2019. Oui. Alors, comment ça se passe ? Je voudrais d'abord que tu me parles un peu des urgences, parce que le commun des mortels ne connaît pas forcément le fonctionnement des urgences. Alors, donc, c'est un service d'accueil des urgences, parce qu'il y a déjà deux niveaux dans les services d'accueil. Soit on peut être un service de soins non programmés, comme il existe à Gérardmer. Et donc là, c'est un accueil en journée, voilà, pour des pathologies dites simples, qui ne nécessitent pas de prise en charge trop difficile. Et puis, il y a, comme on a sur Remiremont, un service d'accueil des urgences, avec une ligne de SMUR, donc un service mobile d'urgence et de réanimation. Donc c'est la fameuse Avec deux véhicules ? On a une voiture type 4x4. C'est la fameuse 4x4 jaune qu'on voit avec le gyrophare bleu sur nos routes, qui permettent de faire nos interventions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre secteur. Directement à domicile ou sur les accidents. Voilà, ou les accidents de la route, effectivement, quand on est sur... C'est-à-dire que c'est le transport des urgences à domicile, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est un équipage avec un conducteur qui est aide-soignant, un médecin, donc SMUR, et puis une infirmière qui est aussi dans l'équipage, quoi. On a donc ensuite un service d'accueil d'urgence au sein de l'hôpital, avec donc 6 box d'examen classiques, 2 salles dites de déchocage, où là on accueille les urgences vitales aiguës, et puis un petit service qui est juste à côté des urgences, qui s'appelle l'unité d'hospitalisation de courte durée. Donc sur Remiremont, c'est 4 lits d'hospitalisation où on garde en surveillance les patients pendant 24 heures, quoi, quand ils ont une pathologie qui va se régler simplement et pour lequel il faut quand même rester un petit peu à l'hôpital, mais pas trop longtemps, quoi. Une question tout de suite, est-ce que c'est suffisant ? Alors, par rapport à certains jours, certains événements. Alors effectivement, le problème de l'activité au sein des urgences, c'est que c'est pas une activité réglée, quoi. Un jour, vous pourrez avoir des chiffres qui sont à peu près, voilà. On a une moyenne de 55 passages par jour. Donc des fois, vous allez avoir 90 passages, et puis d'autres fois, vous allez en avoir, alors peut-être pas, mais 40, 30, 30 passages, quoi. Surtout en été ou dans des périodes plus calmes, quoi. Et le fait, c'est que entre les deux, quand vous êtes à 90 passages, effectivement, notre service n'est pas adapté pour accueillir ce nombre de patients, quoi. Alors, combien alors, à peu près ? On est proportionné, surtout, en fait, le problème qui se pose sur les services d'accueil d'urgence de France, c'est que une fois que vous avez posé l'indication d'hospitalisation dans un service de chirurgie, de médecine, etc., ou de gériatrie, le patient, en théorie, monte dans son service, dans sa chambre, et puis va suivre son parcours d'hospitalisation classique, quoi. Sauf qu'en France, du fait d'une fermeture de lits sur les 5-10 dernières années, des fermetures progressives. Ça n'a pas été une fermeture brutale. On y va progressivement. Nos directions et nos instances nous ferment progressivement des lits. Et là, on se retrouve avec des patients qu'il faut garder hospitalisés, mais qui ne peuvent plus monter dans leur faute de lit. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent alors ? Alors, ils deviennent ce qu'on appelle les fameuses hospitalisations brancards. C'est-à-dire quelqu'un qui va passer une nuit, voire deux, sur un brancard aux urgences, en attendant qu'un lit se libère dans l'hôpital, quoi. Ils reçoivent quand même des soins ? Ils reçoivent des soins. Dans la mesure où, bien sûr. Voilà, administrés par l'équipe des urgences. Et donc, une équipe qui est adaptée au nombre de passages habituels, devient insuffisante quand vous avez... Il se trouve à gérer des hospitalisations voilà. Dans les couloirs. Voilà, c'est ça. Et là, on n'est pas du tout adapté par rapport à ça. Quoi, hein. Même pour les conduites à tenir, c'est quand même peut-être problématique. C'est ça. Ouais. C'est ça, pour les conduites à tenir, pour le suivi des patients, voilà, parce que les équipes changent toutes les 12 heures avec, fatalement, l'infirmière qui était la veille ne va pas revenir le lendemain. Quoi. Donc, il n'y a pas suivi comme dans un service hospitalier, quoi. Classique. Ouais. Alors, est-ce que la situation semble s'être dégradée au cours des années ? Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, il y a eu une grogne, puis un ras-le-bol. Et en fait, tout a démarré en mars 2019, suite à une période hivernale assez intense dans les hôpitaux parisiens, avec la création du collectif Interurgence, donc qui est à la base 18 services d'accueil d'urgence de la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et en fait, ce mouvement s'est, au fil des mois, donc diffusé un peu partout en France, avec actuellement 670 services d'accueil d'urgence en grève. C'est-à-dire une grande partie des services d'urgence. C'est ça, oui. En France. À peu près, un peu plus de 60%. Oui. Globalement. Donc, je voudrais ce que tu me dises un petit peu, c'est les relations avec le Centre 15. Comment que ça se passe exactement ? Alors, le Centre 15, pour le Remiremont, c'est le SAMU 88 qui est basé à Golbey. Alors, c'est un Centre 15 avec une particularité sur les Vosges, c'est que c'est un centre unique d'appel 15 112 18. C'est-à-dire, vous appelez un des trois numéros, vous arrivez sur la même plateforme. Et là, en fait, après, le décrocher se fait soit par un pompier, soit par une auxiliaire de régulation médicale. Et puis, en fait, elle va orienter, après, si c'est un problème pompier, vers le pôle métier pompier. Si c'est un appel qui relève d'une prise en charge médicale, vers le médecin régulateur, quoi. Donc, il va prendre quelques informations et puis ensuite, il va orienter la personne, soit sur un simple conseil médical, hein, parce que il y a quand même un nombre non négligeable d'appels qui relèvent, qui n'a rien d'urgent, hein, des analyses de biologie demandées par un médecin de ville, et puis qu'est-ce que je fais de ce résultat ? Donc, ils nous appellent, nous, s'ils n'arrivent pas à voir leur médecin traitant, bien sûr. D'autres, c'est d'aller consulter. D'où une saturation quand même des lignes téléphoniques à certains moments. Alors, il y a des zones d'appel où, effectivement, c'est problématique. Dans la période de midi à 14h, vous vous retrouvez avec des appels de gens qui n'arrivent pas à joindre leur médecin traitant. Alors, après, il faut aussi voir que l'urgence ressentie, c'est aussi des personnes qui reçoivent leur biologie à 10h et puis qui attendent la pause de midi pour appeler leur médecin traitant, qui lui aussi est en pause déjeuner. Et donc les gens se retrouvent à nous appeler, quoi. Et puis l'autre chose, bien sûr, c'est un envoi de ce qu'on appelle un vecteur de transport, donc soit une ambulance blanche privée, soit un VSAV pompier, un véhicule d'intervention, une ambulance pompière. C'est quand même beaucoup les pompiers qui vont faire les transports. Tout dépend de la nature des transports. C'est à peu près 40% les pompiers et 60% les ambulances privées sur les Vosges. Après, chaque SAMU a une répartition un petit peu différente. Oui. Sans être... Alors, les urgences sont situées où dans le département, outre Remiremont ? Alors, on a un service d'accueil d'urgence à Épinal. Qui est servi. Alors là, il y a deux services. Il y a un service d'accueil adulte et un service d'accueil pédiatrique depuis à peu près un an maintenant. Et puis vous avez donc Neuchâteau et Saint-Dié-des-Vosges qui a à peu près le même niveau de service d'accueil que chez nous. Vous avez un service d'accueil aussi à Vittel et un soin non programmé à Gérardmer, donc qui est ouvert de 9h à 19h. Qu'est-ce qu'on entend par soin non programmé ? Eh ben, c'est tout ce qui peut être urgence, quoi, qui alors, n'est pas prévu à l'hôpital. Voilà, mais urgence, on entend par soin non programmé un petit service qui ne dispose pas, par exemple, d'un scanner, qui ne dispose pas de forcément de lit d'hospitalisation. C'est en gros un médecin qui va assurer l'antenne SMUR de Gérardmer, hein, qui est ouverte en journée, et puis prise en charge de pathologies dites courantes, une suture, une petite fracture qui nécessite juste un traitement avec un plâtre, ce genre de choses, quoi. On parlait d'urgence ressentie. Est-ce que tu penses qu'un des problèmes des urgences ne vient pas de l'amont, c'est-à-dire qu'un petit peu de l'abandon par la médecine générale de la garde, tout simplement, et de l'astreinte vis-à-vis de leur patientèle? Alors, il y a effectivement un souci, en fait, c'est que... Alors, après, il y a aussi un arrêt des financements des lignes de garde de médecine de ville. Hein, donc, il faut comprendre aussi un médecin généraliste qu'on lui demande de faire une garde. Ce qu'on appelle Medigard. Voilà, Medigard, où on lui dit, tu vas être de garde, mais tu n'auras pas de financement derrière, quoi. Donc, entre rester à la maison et puis être embêté à faire une ligne de garde, pas bénévolement, parce que s'il va faire une visite, il sera rémunéré, mais il n'y a plus la rémunération de l'acte de garde en tant que tel. L'astreinte de garde. Voilà, l'astreinte de garde n'est plus rémunérée depuis plusieurs années. Et puis, un système où, sur un département comme les Vosges, on n'a pas... SOS médecin, on n'a pas entre les urgences et le conseil médical, voilà, il n'y a plus de solution alternative, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que les urgences sont certainement beaucoup plus saturées le week-end que les jours de semaine. Alors sur les week-ends, on a aussi une problématique dite saisonnière sur les Vosges, avec les activités de ski en hiver et puis les activités de VTT, rando, marche nordique en été. Et donc, par exemple, sur Miremont, et sur Gérardmer et puis sur Saint-Dié, quoi, on a des pics d'activité dans ces périodes-là assez importantes, quoi, hein. Et quand ça se rajoute à ce qu'on appelle la période hivernale avec les syndromes de grippe, problèmes respiratoires des personnes âgées, vous avez effectivement un énorme engorgement qui se crée en quelques heures, quoi. En quelques heures, vous pouvez avoir un service saturé, quoi. Pour les patients, ça se traduit par des délais d'attente. Voilà, délais d'attente. Alors, c'est le critère le plus parlant. Voilà, quoi. Le délai d'attente. Alors, comment que ça se passe, ce tri? J'ose m'exprimer ainsi, ouais. Là. Le tri à l'entrée des urgences, à l'accueil des urgences. Alors, ça se passe, vous arrivez aux urgences. Alors, il y a ce qu'on appelle une attente dite debout, ou une attente dite couchée, en fonction de vous arrivez par vos propres moyens ou vous arrivez par un vecteur de transport, quoi. À l'arrivée, donc, on fait votre dossier administratif, hein, parce que, en fait, sur l'hôpital, c'est vrai, c'est toujours paradoxal, c'est que les gens disent « il est blessé, vite, vite, dépêchez-vous ». Oui, mais le problème, c'est que nous, pour pouvoir s'occuper de quelqu'un, il faut qu'on soit sûr de son identité, etc., quoi. Donc, effectivement, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est une planche d'étiquette et ouvrir son dossier informatique, quoi. Ça, c'est la première chose. Donc, ça prend quelques minutes et c'est généralement le fait par le chef des pompiers. Ouais. Puis c'est un problème de sécurité d'avoir des étiquettes au nom du bon patient. Il y a souvent une tierce personne qui intervient là pendant que le blessé, par exemple, est pris en charge. Ensuite, en fait, là, pour le coup, en quelques minutes, il va bénéficier d'une évaluation par une infirmière qui s'appelle donc une infirmière d'accueil et d'orientation. Donc, elle va faire un bilan sommaire, hein, complémentaire du bilan secouriste initial. Et donc, une prise de tension, une prise de température, déshabiller si c'est un problème de traumatisme. Et puis, définir un code donc qui va de 1 à 5 et qui donc effectivement c'est basé sur sur la médecine militaire, hein, ce qu'on appelle le tri d'accueil. Le Glasgow ? Non, pas le Glasgow. Le tri d'accueil où vous êtes côté 1, c'est ce qu'on appelle les urgences vitales immédiates. Donc là, effectivement, il y aura pas d'attente. Et s'il y a de l'attente sur ce type de personnes, là, c'est vraiment problématique, quoi. Un code qui va à 5. Et le code 5, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut attendre indéfiniment. Il n'y a pas de risque vital immédiat. En gros, le code 5, c'est quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas être aux urgences. C'est un problème de renouvellement d'ordonnance, c'est un problème de j'ai une douleur modérée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui arrive aux urgences pour obtenir des soins. Il n'a pas trouvé de solution locale avec son médecin traitant. Alors, par exemple, pas de solution locale ou une solution qu'il juge insuffisante. Quoi. Il y a des personnes qui viennent. Et ils sortent du médecin traitant et puis j'ai un rendez-vous, mais dans 3 mois. Quoi. Est-ce que je peux l'avoir là maintenant ? Non, mais voilà. En tout cas, il nous faut réexaminer la personne et puis confirmer le diagnostic du médecin. L'accès à un médecin traitant est quand même difficile parce que tout le monde n'a pas un médecin traitant. Et quand on veut s'inscrire chez un médecin, on trouve, je dirais, un petit peu porte-close. Moi, c'est une expérience personnelle. Je n'ai pas de médecin traitant et à mon âge, je me suis dit que ce serait raisonnable d'en avoir. On dit non, on ne prend plus personne. Effectivement, c'est ça aussi la problématique. C'est que les médecins traitants ont des patientèles blindées. Quoi. Donc, effectivement, il existe. Alors, il y a un petit peu d'amélioration sur le coin, parce qu'il y a eu quand même pas mal, quelques installations sur notre secteur ces derniers mois. Mais effectivement, c'est pas rare d'avoir un patient qui arrive en disant écoutez, j'étais avec docteur Intel, mais il n'exerce plus, il n'est pas remplacé, ou j'ai déménagé et on m'a dit qu'on prenait plus de patients. Donc effectivement, il y a aussi une accueil sur le plan là. Quoi. Oui. En septembre, il y a eu des mesures gouvernementales qui ont été prises pour les urgences. Tu peux nous en parler ? Alors, celles de septembre sont assez sommaires. Hein, oui, j'ai trouvé. Voilà. J'ai trouvé. jugées effectivement très très insuffisantes par rapport aux besoins exprimés collégialement par. Je vois par exemple pour les besoins en lit, on parle de créer un index d'objectifs de besoins en lit journalier. On parle de programmer les urgences à l'avance pour savoir combien il y aura d'urgences. C'est une résolution très administrative, mais qui ne crée pas de lit en fait. On parle de cellules de gestion des lits, mais ce qui existe déjà. Ce qu'on appelle les bed managers, hein, faut mettre un petit anglicisme, ça fait plus vrai. Hein. Ça fait mieux. Voilà. Non, effectivement. Alors, l'index de moyens journaliers en lit est quand même un élément assez intéressant parce que ça nous donne quand même sur le long terme combien de lits on a besoin. Combien il en faudrait en moyenne. Et en moyenne, par exemple, sur Remiremont, on sait qu'il nous faut 4-5 lits d'hospitalisation de médecine et puis 3 lits de services de chirurgie et puis 1 ou 2 de gériatrie. Quoi. Enfin, donc ça, c'est des choses qui sont connues. Quoi. Et vous les avez ou pas ? Alors, tout dépend de la période où on est. Quoi. Voilà. Par exemple, je sors de garde, là, cette nuit, j'avais 3 lits disponibles, donc j'ai pu hospitaliser mes patients que je voulais garder hospitalisés sans qu'ils fassent d'hospitalisation brancard. Oui. En revanche, 3 jours avant, ce n'était pas le cas. Quoi. Puis il n'y a pas forcément d'adéquation entre le service et la pathologie, hein, souvent. Voilà, c'est vrai que... Ah oui. Alors, sur Remiremont, on a des services de médecine polyvalente. Donc, c'est pour le coup, ça peut être un avantage. C'est un fourre-tout, quoi. Alors, c'est un fourre-tout est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est surtout une possibilité d'hospitaliser des patients qui ont un problème X médical, mais qui ne sont pas dans un service de spécialité. J'ai travaillé sur le CHU, le problème des services de spécialité, c'est que là, pour le coup, si ce n'est pas un problème hépato-gastro-entérologique, vous ne pourrez pas mettre un patient en service d'hépato-gastro-entérologie, quoi. Ou si c'est un problème neurologique, il ne pourra aller qu'en neurologie, quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a aussi des phénomènes de tension dans les grands centres, dans les CHU, mais parce que ils ont aussi ils ont plus de barrières, quoi. Nous, on les a moins. Alors, c'est, pour le coup, je le considère comme plus un avantage qu'un inconvénient. On parle de délégation de tâches aux urgences. Il y aura des infirmières spécialisées en urgence, c'est prévu ou... Alors, nous, depuis 8 ans, en fait, on fait quand même déjà les prescriptions anticipées de radiographie. Voilà. Et de labo. Et de laboratoire depuis quelques mois seulement. D'accord. En revanche, sur les radios, c'est vrai que ça nous fait gagner énormément de temps. Oui. Surtout en période hivernale, pathologie sportive. C'est limité à des demandes de radio bien spécifiques, un traumatisme d'un membre isolé, identifié, voilà quoi. Elle fait un examen paramédical sommaire, hein, voilà. Mm. Elle fait la demande de radio, la personne va faire sa radio et le médecin, quand il voit effectivement la personne blessée, eh ben, on a déjà la radio et donc on gagne sur la filière de passage, sur le temps de passage aux urgences, on gagne pas loin d'une heure de temps quand même, en moyenne. À condition que les salles de radiologie soient... Les salles de radio, pour le coup, sont, quand c'est comme ça, se prévoit un renfort aussi. Voilà. D'accord. Voilà. Des possibilités de renfort épisodique. Arrivé là, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Alors, on va parler des urgences, toujours. Un jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous, sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme, ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermer plus. C'est trop tard, le fruit de décision prise sans concertation auprès de nos bonnes pommes. Et là, tout qui déconne, le soin, notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oups, la mémé Huguet qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas, monsieur la fleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin. C'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin, rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y'a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances. On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est bon, ça se passe en France. Entendez notre peine. L'eau c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd. Y'a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV dans les urgences de France ne peut pas rimer avec rentabilité. Mais voilà, c'est reparti. Je vous rappelle que nous sommes sur le 107 dans ce magazine santé avec notre partenaire Dr Tisserand. Et puis notre invité, Dr Tisserand, Jérôme Tisserand, donc des urgences aujourd'hui. Alors vous avez pu entendre bien la chanson des urgences. Alors c'est Valence. C'est Valence, oui, c'est le CH de Valence. Oui. C'est Valence, c'était... Ils ont créé cette chanson au mois d'avril, au tout début de la création du collectif Interurgence. Maintenant, on est à des millions de vues, des dizaines de milliers de partages. Ils ont fait un CD. Et puis, c'est un peu devenu l'hymne dans tous les rassemblements de grèves et de manifestations des urgences. Il y a souvent ce morceau qui sort. Bon, c'est vrai que en tant qu'hospitalier ou en tant que praticien professionnel de santé hospitalier, notre but n'a jamais été trop à la pointe des manifestations et des rassemblements. C'est pas notre cœur de métier, quoi. Vous étiez comme à Paris. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous la passez dans les salles d'attente des urgences? Oui, on la passe dans la salle d'attente. Et c'est vrai que c'est entraînant, c'est sympathique, quoi. Oui. Et le message est collégialement partagé par tout le monde, quoi. On veut plus de matériel adapté à ce bordel, quoi. Parce que c'est exactement ça, quoi. Plus de personnel aussi. Voilà, c'est ça. Dans toute la chanson, c'est expliqué, quoi. Oui. Nous on fait grève parce que il y a plus d'autres solutions, quoi. C'est clair que on est au bout du bout. Voilà, on est au bout du bout. Sauver l'hôpital. On a l'impression qu'on vous ignore quand même superbement encore aujourd'hui. Il y a eu cette grève nationale avec manifestation à Paris. Et puis derrière, des mesures soi-disant miraculeuses de l'exécutif. Et puis derrière, plus rien, quoi. En sachant bien que ces mesures-là sont paraît-il, largement insuffisantes. Effectivement. Donc, déjà, elles sont les chiffres 1,35 milliard qui nous sont promis. Il faut les remettre en parallèle c'est sur plusieurs années. On monte va vous expliquer Dr Tisserand, on monte le fameux ONDAM, et puis là-dessus, en fait, on demande aux hôpitaux de travailler plus pour se payer sur l'activité, sur la sécurité sociale. C'est pas un chèque, hein. Les hôpitaux ne sont pas gérés par des chèques du gouvernement ou du ministère de la Santé. Ils travaillent et c'est le fruit de leur travail qui est leur budget. Mais on limite. C'est nos cotisations sociales. Mais ce budget. C'est est limité, c'est-à-dire que si les hôpitaux travaillent plus, ils rendent de l'argent en fin d'année. C'est un peu technique, mais par exemple, en 2019, il était noté le gouvernement a dit qu'il donnait 0,5% de plus aux hôpitaux, c'est-à-dire que les hôpitaux pouvaient travailler pour 0,5% de plus, 0,2% sur les hôpitaux médecine, chirurgie, obstétrique, hein. Donc on ne sait pas beaucoup par rapport à l'inflation. Mais en plus... Le gouvernement retenait 0,7% de réserve prudentielle, c'est-à-dire que si les hôpitaux dépassaient en nombre d'actes à la fin de l'année, on leur retirait 0,7%. Donc plus 0,2, moins 0,7, ça fait moins 0,5%. Et c'est un tour de passe-passe administratif et financier, annoncer la main sur le cœur en disant « Regardez tout ce qu'on donne aux hôpitaux », en fait, on leur retirait 0,5%. Et tout est comme ça. C'est pas très honnête de la part de l'exécutif. C'est un petit peu technique, mais je pense que la malhonnêteté est vraiment au fond du problème. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le budget des hôpitaux a été amputé de 1%. De 1% tous les ans, pendant 10 ans. On a perdu 1% de pouvoir, d'achat des hôpitaux depuis 10 ans. C'est extraordinaire, quoi. Mais c'est une volonté. D'ailleurs, il est dit clairement qu'ils veulent transférer des budgets de l'hôpital public vers la médecine libérale de ville. Et c'est valable pour les urgences avec la loi Ma Santé 2022 va mettre en place des communautés professionnelles territoriales de santé qui sont des gros cabinets de médecins, de kinés, d'infirmières, de professionnels de santé qui vont assurer avoir une responsabilité populationnelle, y compris des urgences, mais en transférant des budgets des hôpitaux vers ces gros cabinets. Aujourd'hui, ces unités territoriales, elles n'existent pas. CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, elles n'existent pas pour l'instant, mais elles sont créées. Et avant de casser l'hôpital et avant de casser les urgences, je pense qu'il y a... on est un petit peu sans filet entre les deux. Et puis même, ça ne pourrait être que... qu'assumer, on dit, je crois, 40% des urgences n'en sont pas vraiment. Alors, elles n'en sont pas vraiment parce que, effectivement, une suture. Il y a une carence quelque part de pourrait être faite par un médecin généraliste, quoi. Sauf que, globalement, faire une suture, il faut avoir le fil, plusieurs tailles de fil, du matériel stérilisé, etc. Et donc, c'est une logistique que la médecine de ville ne peut plus facilement faire. Oui, quoi, oui. Et c'est logique que ça se fasse à l'hôpital. Voilà, je pense que c'est quand même des gestes techniques qui nécessitent du matériel stérile. C'est ça. Et c'est aussi, par exemple, faire une suture chez un enfant. Maintenant, on le fait sous un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote. Donc, ça, le gaz hilarant. Vous avez ça à l'hôpital, la suture se passe bien, vous faites une suture en cabinet de ville sans ça, c'est horrible. Vous pouvez avoir un pronostic esthétique au bas mot moins bon, et puis des fois en fait une plaie qui s'infecte et puis des souffrances de l'enfant on peut quand même douter à terme de l'efficacité de ces groupements, quoi. Ça pourra assurer une certaine continuité des soins, un certain accès aux soins, mais encore faut-il que les médecins le personnel local. Il faut aussi qu'ils soient adossés, par exemple, à un laboratoire, à un service de radiologie, et puis qu'en aval, si on renvoie les gens à la maison, parce qu'ils auront même des lits d'hébergement provisoires, ces gens dans les CPTS, mais ils vont renvoyer tout le monde à la maison, et ça suppose qu'à domicile, il y ait quand même une certaine forme de surveillance, qu'il y ait une bonne coordination avec des infirmières de ville ou d'autres médecins, je ne sais pas, enfin, des professionnels de santé. Ce qui est surtout dérangeant dans toute cette histoire, c'est que ministère et ARS, donc organisme de tutelle de transmission entre le ministère et propose terrain. Une réforme en n'ayant ni consulté les hospitaliers ni les professionnels libéraux. C'est une construction ad hoc et sans que personne qui seront à mettre les mains dans le cambouis et donner son aval et son approbation. Leur avis, oui, de toute façon. C'est là le problème. C'est assez édifiant quand même. Hein, sur on peut s'attendre à de grandes difficultés. Et puis même, ça ne résoudra pas que ça ne vous a qu'une partie des problèmes. C'est aussi une bascule un petit peu entre le service public et le privé. Oui. Puis c'est des réformes, je dirais, administratives qui sont très belles sur le papier, mais qui ne tiennent pas compte du tout du terrain et des avis et des modes de fonctionnement habituels. Ça ne compensera pas les fermetures de lits qui sont prévues ou qui ont déjà eu lieu. Alors, il nous est demandé de faire ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Alors, c'est bien sur le papier, effectivement, de dire on vous opère et puis le soir, vous rentrez chez vous. Ce qui se fait beaucoup en clinique, faut dire le mot. Mais en clinique, c'est pas qu'ils choisissent leurs patients, mais voilà, on aura un créneau plus facile pour un patient qui a juste un problème de fracture ou voilà. Sauf que l'hôpital public accueille par définition tout le monde. Et dans tout le monde, il y a des gens qui ont des pathologies associées et puis eux, fatalement, ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge ambulatoire, quoi. Et le problème, c'est qu'effectivement, va s'installer une médecine à deux vitesses, quoi. Alors, deux vitesses financières, certes, mais aussi en fonction de la pathologie. Oui. Vous êtes jeune, en bonne santé, la clinique vous ouvrira les bras. Vous êtes vieux avec plusieurs pathologies. Diabétique, cardiaque. Il n'y aura que l'hôpital qui, peut-être, pourra vous accueillir parce qu'il y aura ce phénomène d'étranglement qui s'installe quand même, quoi. C'est d'une concurrence déloyale. Donc, c'est à terme l'accès aux soins qui n'est plus garanti de manière égalitaire sur le territoire. Oui. C'est ça. Une remarque également, on parle d'un accès aux urgences spécialisées pour les personnes âgées. Ça me pose des problèmes éthiques, qu'est-ce que tu en penses? Alors, à tort, hein, peut-être. Mais... moi, je le vois plutôt comme... alors, Remiremont quand même, parce que l'idée, on fait grève, d'accord. Mais c'est pas tout ça, il faut aussi proposer des solutions, quoi. Oui. Des problématiques assez simples, par exemple, un médecin traitant voit ou oriente une personne âgée, donc fragile, aux urgences, et il va faire sa visite à 4h de l'après-midi, et puis il va faire appeler une ambulance, etc. Et donc, la personne âgée gériatrique va arriver à 18h aux urgences. Or, 18h, pour les services d'urgence, c'est le pic d'activité. Donc, vous amenez quelqu'un de fragile, qu'il faudrait qu'il ne reste pas trop longtemps sur un brancard, et il va passer au mieux quelques heures, et au pire, ben, pour le coup, une nuit aux urgences, quoi. Alors que si l'orientation avait été faite dès le matin, 10h, par exemple, cette personne aurait plus vite un avis médical, et puis pourrait bénéficier d'une hospitalisation sur, si un lit est disponible de suite, de suite dans le début d'après-midi, ce qui est quand même rarement le cas, mais en tout cas bénéficierait des sorties du début d'après-midi. Et donc pourrait monter dans le service au lieu de patienter et de faire une hospitalisation brancard, quoi. Donc ce genre de choses où on dit, et si on réfléchissait à faire des filières de prise en charge, parce que ça reste qu'une filière, pourquoi pas, quoi. Mais comme on a dit à la déléguée territoriale de l'ARS, vendredi dernier, avec Dr Muller, un de mes collègues, tout ça s'entend par aussi plus de moyens. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire une ligne téléphonique dédiée, ça veut dire... il y a des choses qu'il faut quand même financer, quoi. Réformer, c'est possible, mais ça ne peut pas être à euro constant. C'est impossible. Ouais, il faut investir. Investir dans l'hôpital égale mettre la main au porte-monnaie, quoi. Ouais, ouais. Et tu as vu, en sens contraire, les moyens diminuer. Complètement. Depuis une dizaine d'années, à peu près. Je suis praticien depuis 2012. Donc, et en 8 ans, effectivement, une dégradation progressive, inéluctable des choses, quoi. Au démarrage, quand j'ai commencé, un ou deux libres en quart, c'était très rare, exceptionnel, et c'était une ou deux fois dans l'année. Maintenant, l'année dernière, ce qui a déclenché le feu aux poudres, c'est on a eu quand même jusqu'à 14 hospitalisations brancard, avec le lendemain plusieurs sorties SMUR, etc. Et un phénomène d'engorgement et des presque accidents sanitaires. Des gens qui se retrouvent à se décompenser au sein des urgences, quand ce n'est pas malheureusement des décès qui surviennent en secteur d'urgence, comme il y a eu le cas il n'y a pas trop longtemps dans des services d'urgence limitrophes. Quoi. Oui. Le discours de la tutelle, c'est dire organisez-vous mieux, mais en fait, les urgences sont remarquablement bien organisées. Ce qu'il faut, c'est des moyens, c'est des lits, de l'argent, du personnel. Je crois que c'est en matière d'organisation, vous êtes déjà, à mon avis, au top. Il faut toujours garder la culture du mieux. Toujours essayer, mais c'est quand même remarquable, tout ce que nous dites. On a parlé quelquefois, pour des personnes âgées à Épinal, des délais d'attente de 14 heures aux urgences. Est-ce que c'est gérable? Alors, pour les équipes, non. Pour les patients, non. Pour tout le monde, non, sauf au niveau du tutelle, on dit faudrait faire autrement. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut être là quand il faut, et puis avec le personnel qu'il faut. Alors, Épinal, déjà, il y a un problème de locaux. Effectivement, tant qu'ils ne seront pas dans le nouvel hôpital d'Épinal, nous, je vous ai dit, on a 6 lits d'examen pour ce qu'on appelle la filière médico-chirurgicale, donc les patients qui arrivent en ambulance. À Épinal, ils en ont 3. Ils ont 2 salles de déchocage comme nous, alors qu'il en faudrait 4. Et ils ont 6 lits de lits d'hospitalisation. Déchocage, tu veux dire pour des cardiaques? des chocages cardiaques, c'est ce qu'on appelle les urgences vitales, quoi. Oui, les lits d'urgence vitale. Donc ils ont le même nombre que nous, avec un tiers de passages en plus, quoi. Donc il y a un manque de lits de ça. Et puis ils ont 6 lits d'unités de lits d'hospitalisation de courte durée, nous on en a 4. Là où dans le nouvel hôpital ils vont en avoir 12, ils vont avoir 6 lits de déchocage, enfin voilà, et ils vont avoir 14 lits brancards de filière médico-chirurgicale, quoi. Donc tant qu'ils ne seront pas dans leurs nouveaux locaux, c'est sûr que bon, 2022 a priori au BAMO, oui, ce sera Au BAMO 2022, ouais. Bien sûr. Et puis encore faut-il trouver le personnel à voir et puis trouver le personnel adéquat pour ce type d'activité. C'est ça. Et puis, dans un souci d'économie, en fait, voilà, on dit, pour information, oui, petite aparté privé, ma compagne travaille à Épinal, donc je connais un petit peu le milieu spinalien. On leur dit de définir quels sont les éléments qui vont pouvoir être recyclés d'ancien hôpital pour le mettre dans le nouveau. Donc voilà, il y a des petites pastilles qui apparaissent en disant, bah tiens, la porte de la salle de déchocage, on peut la reprendre pour la mettre dans le nouveau, quoi. Enfin, je suis désolé, mais ça fait pas trop sérieux, quoi. Enfin, il y a un moment donné, soit on fait un nouvel hôpital. Faire du neuf avec du vieux. Voilà, c'est ça, quoi. Bon, je veux bien que l'écologie veut qu'on recycle, mais il y a quand même peut-être des limites, quoi. Oui, effectivement. C'est une anecdote croustillante. On s'accorde une petite pause musicale. Allez. Tu as choisi. Ouais. Oui, alors donc là, c'est en fait, on a fait aussi notre petit morceau de musique. Hein, pour Remiremont. Pour Remiremont. Ah, d'accord. Voilà, qui a été mixé par un petit studio d'enregistrement de Remiremont. De Remiremont. Oui. Voilà. Et, Mousse. Mus. Voilà, c'est ça. Ouais. Un petit coucou à Mus, hein, pas ça. Nous, on fait le jour. De tout, alors qu'ici les patients deviennent fous. Sur leur brancard là-bas ils ont faim, alors qu'ici les plats bassins sont pleins. Nous on fait le jour, on fait la nuit, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'en être fier pour les traiter de cette manière? On sait que le soin c'est de l'argent, pour nous c'est pas plus important. Agnès se fout de notre morale, alors pas eux, c'est tout le personnel qui travaille au mieux. C'est pour cela que pour vous on se battra et qu'on luttera ensemble pas à pas. Nombreux soignants ont perdu espoir, c'est qu'il y a du taf jusqu'au bout du couloir. La dignité, le respect des patients, c'est notre combat et nous on lâchera pas. On fait le jour, on fait la nuit, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'en être fier pour les traiter de cette manière? On sait que le soin c'est de l'argent, pour nous c'est pas le plus important. Agnès se fout de notre morale, alors ici tout va mal. On fait le jour, on fait la nuit, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'en être fier pour les traiter de cette manière? On sait que le soin c'est de l'argent, pour nous c'est pas le plus important. Voilà, c'est reparti. On était en train de boire un peu le café quand même, parce que surtout que Jérôme, le docteur Jérôme Tisserand, a fait la nuit, là. C'est ça, oui. Et la nuit, vous n'avez même pas le temps de vous allonger quelques instants. Alors, si on a la possibilité, si bien sûr, le flux n'est pas très important. Si toutes les personnes sont gérées, on a ce qu'on appelle des salles de repos. Hein. Faut pas appeler ça non plus une chambre, hein. Ça fait 3 mètres carrés caresse, hein. Vous avez votre lit, une petite lumière et puis un point d'eau avec, avec un WC, quoi. C'est 12 heures. Alors, c'est soit 12 heures, soit 24 heures. Ça peut aller jusqu'à 24 heures. Oui, oui, les gardes peuvent être de 24 heures, quoi. Au niveau titulaire, on a la possibilité de choisir. Hein, ça ne peut nous être imposé de faire des gardes de 24 heures. Ah oui. Voilà, moi j'en fais quelques-unes parce que ben c'est quand même usant physiquement. Ah oui, hein, oui, oui, oui. Et puis surtout ben j'ai constaté que quand je faisais 24 heures, si c'est une journée un petit peu, enfin une nuit un petit peu tendue, voilà, j'ai une perte de qualité dans mes prises en charge, quoi. Oui, c'est physique, ça. C'est une épreuve physique. 24 voilà, heures de travail. Et d'attention et de... C'est ça. Et puis je remettais 2-3 jours à m'en remettre. Voilà quoi. Je fais encore quelques gardes de 24 heures par commodité personnelle et puis commodité de service. Mais voilà, j'essaye de faire le plus possible de gardes de 12 heures, de jour ou de nuit. Ce qui me permet, par exemple, quand je fais une garde de nuit, de faire une petite sieste avant et d'arriver à ma garde frais et dispo. Voilà, frais et dispo. Ouais. Et puis, si c'est une nuit blanche, c'est une nuit blanche, c'est pas grave. Quoi, voilà. Ouais. Ça arrive souvent des nuits blanches. Ah oui, c'est pas à chaque fois, mais oui, effectivement, c'est le problème des urgences. On va arriver en période de Noël, Nouvel An, je pense quand même. Voilà, ça va être encore beaucoup plus tendu. Voilà. Alors, La problématique vraiment des urgences, c'est que voilà, c'est vraiment pas programmable, quoi. Vous pouvez pas prédire quelques heures à l'avance de ce qui va se passer, quoi. Mon avant-dernière garde, ça a été une quasi nuit blanche, hein. J'ai pu me poser 30 minutes. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire en 30 minutes de repos. Alors qu'au début de nuit, c'était plutôt calme, etc. Mais il y a eu une intervention SMUR avec un transfert à Nancy. Et puis derrière, en rentrant, il y a eu 4-5 entrées, et puis 3-4 entrées en plus, et puis etc. Et puis on arrive à 8h30, voilà, la garde est finie, mais bon, voilà, on n'a pas pu se poser, quoi. Est-ce que les services d'urgence font appel à des médecins intérimaires ? Oui, alors sur Miremont, effectivement, on ne pourrait pas tourner sans médecin intérimaire, quoi. C'est un peu le paradoxe, c'est un peu le paradoxe aussi de l'activité hospitalière. C'est que moi, je fais une garde supplémentaire. On doit faire 48 heures de... On n'est pas aux 35 heures, hein, déjà, en tant que médecin urgentiste. C'est 48 heures le travail hebdomadaire voilà, des praticiens hospitaliers. C'est ça, 48 heures de travail hebdomadaire avec la possibilité de faire du temps additionnel, ce qu'on appelle du temps additionnel. Si je fais une plage de temps additionnel de 12 heures, elle va m'être rémunérée 300 euros. Si je fais la même plage dans un autre hôpital en tant qu'intérimaire, elle va m'être payée beaucoup plus. Comme les médecins remplaçants. Voilà, comme un médecin remplaçant. C'est là aussi le paradoxe, c'est qu'on dit on veut réduire l'intérim. Ben oui, mais le problème, c'est que autre côté, vous êtes sous-payé si vous faites du temps de travail complémentaire sur votre hôpital. Et puis, il y a une année, j'en ai fait quelques-unes. Et pour me les rémunérer, en fait, on m'a dit, on va vous payer un peu de temps additionnel tous les ans, réparti sur 4 années. Parce que on n'a pas les moyens, etc. Mais c'est une fuite en avant, ça. Parce que l'année suivante, tu vas encore en faire. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai un compte épargne-temps qui est quasiment en 8 ans, il est quasiment plein. Plein. Enfin, voilà. Oui. Ça veut dire 70 jours de temps de travail. Donc l'administration hospitalière vit à crédit sur le dos de du personnel. Vit à crédit et de ses médecins et du personnel. Voilà. Et on m'explique, on me dit. Loin les 35 heures. on nous dit, oui, mais écoutez, c'est pas le même budget. C'est-à-dire quand on fait appel à un intérimaire, c'est un budget de fonctionnement, de remplacement, de remplaçant. Mais si vous voulez faire un temps, il faut qu'on le prenne sur notre propre fond, quoi. C'est le problème, quoi. On a recours aux médecins intérimaires avec une chose qui est quand même bien sur Miremont, c'est que c'est beaucoup des hommes et des femmes qui viennent depuis plusieurs années chez nous, quoi. Oui. Donc, on les considère quand même, c'est plus des collègues de travail. Faisant partie de la famille. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, c'est des gens qui travaillent quasiment que dans les urgences aussi. Donc, c'est quand même des spécialistes en urgence. Voilà, c'est des urgentistes. Est-ce qu'on peut rapprocher cette difficulté des urgences avec le fait qu'il y a de moins en moins de médecins? Ou alors, on est sur un autre registre, c'est uniquement financier? Non, c'est quand même, effectivement, il y a moins de médecins, il y a une volonté de l'instant aussi. Enfin, on a mal, je vais tout de suite aux urgences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de, ce qu'on appelle d'éducation sanitaire à faire, quoi? Il y a aussi du personnel qui va aux urgences à cause de déficience de moyens financiers aussi. C'est ça. Hein, ou bien des migrants qui n'ont pas d'autre solution. Les problèmes de migrants, on est un peu concernés sur Remiremont, mais c'est pas non plus c'est pas récurrent. Ce qui pose effectivement plus souci, c'est la différence de facturation en fonction de, vous allez voir, alors on nous parle de créer des maisons médicales de garde aussi, donc des structures adossées au service d'accueil des urgences, mais pour lequel en fait il y aurait une prise en charge par la sécurité sociale, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vois un patient aux urgences. C'est toujours décaler les budgets, puisque c'est quand même les hôpitaux, c'est quand même le budget de la sécurité sociale, d'une manière comme d'une autre. Mais sauf que si va dans ces maisons médicales de garde, en fait, la facturation sera plus chère que s'il fait un passage aux urgences. Ah oui. Et que pour l'instant, il doit faire l'avance de frais. Donc, des services ou enfin des établissements où il y a ces maisons médicales de garde adossées aux urgences, et bien des fois, en fait, les urgences croulent quand même et le médecin de garde se retrouve à avoir 3-4 patients parce que, en fait, les usagers gens, n'ont pas les moyens d'avancer la prise en charge. Voilà, c'est ça. Oui. Puis on éloigne toujours un peu plus les patients des centres de décision, des possibilités de se faire soigner, de toute façon. C'est grave dans des vallées comme la nôtre. Oui. S'il y a des problèmes médicaux qui doivent être pris en charge sans condition de possibilité de payer, c'est quand même bien les urgences en général. C'est quand même la mission de service public de l'hôpital. Et je crois que... C'est vraiment la mission de service public par excellence. Oui, hein. Puisque de toute façon, les cliniques privées ne font pas d'urgence. Très peu, en fait. Par exemple, la ligne bleue a un centre médical d'accueil, l'équivalent d'un soin non programmé comme à Gérardmer. Si en tant que médecin régulateur, parce que je fais 20% de mon temps de travail à la régulation d'Épinal, si en tant que régulateur, je veux adresser quelqu'un sur la ligne bleue, il faut que j'ai l'aval de l'urgentiste. Bon, lui, entre guillemets, c'est pas trop le souci. Mais aussi du praticien, d'orthopédiste, etc. De derrière, quoi. Donc, si j'appelle pour un monsieur de 30 ans qui a une fracture, pas de souci. Si j'appelle avec une dame, une fracture de col, 90 ans, on va me dire plutôt de l'orienter sur l'hôpital public, quoi. J'ai même vu personne. Oui, c'est vrai que pour les cliniques privées, c'est d'abord avant tout la rentabilité. J'ai même une histoire de chasse comme ça. J'ai vu de mes propres yeux, j'étais le témoin d'un patient d'une clinique nancéenne qui sortait d'une intervention de prothèse de hanche et qui s'est luxé sa prothèse de hanche sur le parking de la clinique. Il a voulu revenir, on lui dit non, faut aller à la clinique Trobateau dans le service public le samedi matin. Je trouve que c'est... On comprend beaucoup de choses là. Ah mais là, c'est plus le service public, quoi. C'est ça la différence. Ça. Alors, qu'il y ait des cliniques, c'est pas le souci, mais que... Et puis l'accueil de... Il faut assumer un petit peu de pathologie, les suites et les urgences correspondantes. On fait le même métier, je pense qu'il faut prendre le bon et le mauvais. Je crois qu'il faut prendre le bon et le difficile. Quoi. Oui. Bon, de toute façon, il n'y a plus de pause musicale prévue. Hein. Non. De toute façon, on va peut-être parler aussi. Il nous reste combien de temps, là? Il nous reste 4 minutes 30. Ah, 4 minutes 30. On va parler en vitesse des urgences maternité, quand même. De petits mots, bah, ton expérience, Jean. Les urgences maternité, ma maternité fonctionnait un petit peu en autonomie du point de vue urgence, c'est-à-dire que les admissions pour les accouchements se font, bien entendu, directement en maternité. Ça ne pose pas de problème, sauf quelques accouchements inopinés survenant à domicile ou dans les moyens de transport. Pardon, mais ça arrive toujours. Et puis sinon, la pathologie gynécologique, grossesse extra-utérine, etc., était vue directement dans le service. On n'impose pas deux examens gynéco, un examen aux urgences, puis après un examen en maternité. Ça se fait directement. Ce qui fait que les médecins de la maternité, avec leurs internes, assurer directement les urgences de la spécialité. Je crois qu'il en est de même pour la pédiatrie. Je crois que la pédiatrie et la maternité sont deux exceptions et font leur entrée directe normalement. C'est une médecine un petit peu, une forme de médecine très, très spécialisée qui nécessite. Sauf la pédiatrie traumatique, où on les voit en bas aux urgences, dans le sens où c'est plus simple, on a plus l'habitude de faire des plâtres, genre de choses. Oui, donc la lutte se poursuit aux urgences, bien entendu. Et ce matin, donc, il y a une manifestation à l'ARS. C'est ça, l'Agence régionale de santé. Voilà, avec les collectifs interurgences, les syndicats aussi, parce que voilà, on est donc à 6 mois de mouvement de grève, de protestation, parce que. Pour moi, sans être véritablement entendu. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que on essaye de noyer un petit peu le poisson, je peux me permettre l'expression. Faire croire que les mesurettes qui ont été prises puissent avoir véritablement soit une solution par rapport à l'ampleur du problème. Et notre association, la DEMAT-H, dans le H, défend l'hôpital et défend bien entendu les urgences. Voilà. Nous sommes tout à fait partenaires et solidaires rappeler à nos auditeurs que le magazine Santé est fait un partenariat avec Adémat H. Voilà. Et son vice-président. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, l'Adémat H, on s'est mis en contact et ça nous a permis de créer des liens, de voir que effectivement le projet de service public hospitalier local, il est partagé par plein de monde finalement quoi. Mmh. Et c'est vrai que au démarrage, quand vous commencez à dire il y en a marre, faut faire quelque chose, et puis que vous voyez des gens se rassembler, des manifestations, des actions. On peut parler aussi du marché de Noël qui va avoir lieu au Gamme Vert avec qui a lieu actuellement. Actuellement, allez-y. On vend un petit peu de vin chaud pour sans alcool pour nos associations et on peut prendre une carte d'inscription à la DEMAT. On peut parler surtout, échanger et donner son avis. C'est ça. Et c'est là où on se dit le ressenti, le diagnostic est partagé. Donc maintenant, il faut trouver une thérapeutique. On a un grand soutien de la population. Et bien sûr, RGM est présent aussi. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et puis Radio Gamozo, bien entendu. Bon, on remercie bien sûr Docteur Tisserand, les Docteurs Tisserand, d'avoir merci à vous. D'avoir animé cette émission. Merci puis, à tous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.